Harry, Mali, Enrico, c'est pour ceux qui sont partis trop tôt. Vous nous manquez, mais vous êtes gravés dans nos cœurs. On peut pas vous oublier, non. On peut pas vous oublier, non. Le jour que j'ai entendu Karim était décédé, je me suis dit non, ma tête tombait par terre. Je suis chez moi, tout le monde est couché, j'arrive pas à fermer un œil. Un autre jour, je suis à l'école. On me dit quoi, Ali est décédé. Mais je me demande Ali c'est qui. Le jour suivant, je vais chez ma mère amie Tinsumbulu. Je monte dans sa chambre, je vois quoi, la photo d'Ali. Je demande à ma pote c'est lui Ali, elle me dit oui. Je me dis ma tête tombée par terre. Un ou deux mois après, je suis à la boulangerie. Je vois qui, Amel Tabali. Elle me dit quoi, Henry est décédé. Je me dis non, ma tête tombée par terre. Je cours chez Wam, je vois ma daronne. Elle me demande où est le bourreau. Je dis j'ai pas acheté, car je ne savais pas qu'Henry est décédé. Je me dis encore, ma tête tombée par terre. Alors dites tous avec nous, lahi lahi lele, marada rasoulay, que les trois anges du ghetto se retrouvent au paradis, inshallah. Esso, pourquoi ça me fait mal? Parce que la vie elle est comme ça, Tima. On a tous mal. On a tous mal quand l'accident est mortel. Quand on porte le cercueil au cortège. On a tous mal quand un coup de fil du bled nous annonce qu'un tel est décédé. On a tous mal quand on voit nos parents vieillir. Tous mal devant l'Afrique et sa famine. Face au coup dur négro on a tous mal. Si mes couilles me lâchent il ne reste plus grand chose de moi. Tu vides la bouteille de Sky parce qu'on a tous mal. On vit à 200 à l'heure pour pas que le temps nous rattrape. On a tous mal quand un frère meurt sous les balles. Quand un juge nous met perpète à la barre. Tout se barre en couille, l'amour s'est fait violer. La maison du bonheur s'est fait cambrioler. On a tous mal face à la terreur de l'homme en bleu. On a eu tous mal à la fin de Run on Fire. Bousculade inhumaine devant les Aztecs. On a tous mal au bruit du fouet sur le dos du nègre. Le meilleur de nous crève sous le vice de la rue. On a tous mal quand un rafle termine en pavure. On a tous mal quand un ami nous trahit. J'ai plus confiance en nos amis d'enfance. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait mal les coups de crosse, mais c'est mieux que rien. On a tous mal parce que nos gosses sont dans le besoin. On a tous mal quand une équipe débarque chez toi. Frappe ton père, insulte ta mère, traîne ta sœur, crache sur toi, passe l'oseille ou c'est ta môme la prochaine fois. Et là tu tombes en pleurs. Tout me navre ici parce qu'on a tous mal. Elle t'a largué pour ce mec tout naze. Pour le Moyen-Orient et ses guerres là-bas. La Kalachnikov pousse la chansonnette. Pour les frères et sœurs partis en martyr. La guerre des croisades entre la Bible et les écrits coraniques. On a tous mal, on en a tous marre. Dans certains endroits du globe l'espoir est une denrée rare. On a tous mal quand je vois mes négros dans la merde. Quand nos rêves s'échouent sur les rives de l'échec. La force d'une communauté se mesure à son leader. Si le général montre qu'il a mal, son armée aura peur. Tellement je parle fièrement de mon quartier. On oublie les 10 ans de combat pour les sans-papiers. Tous mal quand Sarko nous montre qu'il mène la danse de l'église Saint-Bernard aux expulsés de Cachan. On a tous mal pour Natacha Campouche torturée. Les bagnoles broyées en bordure d'autoroute. Tous mal pour cette mère qui pleure en perquise. Le regard livide, perturbé par tout ce bruit. Le living renversé, les coups de couteau dans le lit. Ils ont chouré la carte mousse pour avoir les chaînes gratuites. Mais quelle bassesse de leur part. On sait qu'elle n'existe pas la justice impartial, donc on a tous mal. L'enfer et la mort enchaînés au fond d'un lac. Tous mal comme si Pac-Man nous faisait des menaces. Tout me fait mal en ce siècle. La souffrance est la seule promesse que la vie nous réserve. J'ai le blues de la guitare à Johnny Hooker. Conflictuel comme de la pesca Hurricane Carter. Je pense qu'on est heureux que par hasard. On a tous mal quand le Glock tousse pour faire un drame. On a tous mal pour les dockers du port du Havre. Pour ce frère qui s'est fait crever au dernier péage. Face à la joie de retrouver les siens. On a tous mal car vos lois sont nuisibles à ceux qui n'ont rien. On a tous mal. Comme j'ai mal, je sais que t'as mal.